Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Choisi et proposé par Julien Douminc. Réalisation, Pascal Deux. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Neil Cassady fut longtemps considéré comme l'icône de la Beat Generation. Poète, il inspira à Jack Kerouac le personnage de Dean Moriarty dans son roman manifeste « Sur la route ». Mais sa correspondance témoigne qu'il n'était pas seulement un héros de roman, un effluve et un rêve comme il se définissait lui-même, mais aussi un écrivain des plus incandescents, tant son écriture est proche de sa douleur. Deuxième épisode, j'ai des visions géniales. À l'automne 1947, cela fait à peine quelques mois que Neil Cassady a rencontré Allen Ginsberg et Jack Kerouac à New York. Quelques mois seulement, mais déjà des nuits entières de discussions à bâtons rompus, de virées endiablées, de départs et de retrouvailles. Et la route, toujours la route. À Jack Kerouac, 25 décembre 1947, 561A, 24e avenue, San Francisco. Cher Jack, salut, comment va? Depuis notre première rencontre, tu as toujours été comme un frère de sang pour moi. Notre point commun essentiel étant sans doute notre préoccupation pour nos égos. Ensuite, si on peut dire, notre logique plutôt confuse et bancale. On peut relier ça à un intérêt extrême et précoce, toi pour la littérature, moi pour la philosophie. Malgré nos différences, parce qu'on ne vient pas du même milieu et qu'on a eu des parcours différents, on s'est toujours profondément compris, toi et moi. Je ne partage ça avec personne d'autre. Et c'est pour ça que je te considère comme un frère de sang. Louane est arrivée le 1er décembre. Elle a complètement changé. Elle est plus sophistiquée, plus dans le coup et beaucoup plus sûre d'elle. Après quelques accrochages préliminaires, on est revenu à une relation normale et j'ai réussi avec un mal de chien à lui arracher la promesse de résilier le mariage. Être légalement libre n'est plus qu'une question d'argent. J'en enverrai à sa mère à Denver, dès le 5, pour lancer la procédure de divorce. Mes difficultés émotionnelles mises à part, il y a un autre problème plus intéressant, je pense. C'est de garder Lou et Caroline éloignées l'une de l'autre. Ce petit jeu dure depuis un mois et est excitant à plusieurs titres. Je suis avec les deux à des heures différentes de la journée. Et chaque jour, je marche sur des œufs pour ne pas que Caroline le découvre. Mais bon, basta. Je te verrai à l'automne, après être allé voir ma sœur à Denver au printemps. J'y passerai l'été ou dans les environs. Je serai à New York en septembre. Puis-je timidement déclarer que je commence à écrire un journal et mes souvenirs d'enfance? Si j'ai bien compris ce que m'a dit Allen, Burroughs et Joan ont quitté la ville. Et lui et toi avez passé une paire de soirées sérieuses ensemble. Et il a suggéré l'air de rien que c'était peut-être le sérieux de ces discussions qui t'empêchait de le voir plus souvent. Vrai? Et comment écris-tu? Bien ou pas? Dis-moi, merci. Décembre 29. Cher Jack, j'ai des visions géniales. Je comprends les gens. Je suis libre. Je connais tout. Je suis tout le monde. Plusieurs collègues m'émeuvent, sont presque tous négatifs. Mais moi, je suis positif. Tu piges? Je bite. Je bois à Wild. Bois. C'est bon à la santé de boire. Bon, allez, laisse tomber. Que Dieu ait pitié de moi. Les 10 que j'ai ne me suffisent pas. Bordel. Je crois, cher Jack, qu'on a sous-estimé l'argent. Je prédis une année lucrative pour moi, vu que je vais faire de l'argent un de mes objectifs. T'entends ? À bientôt. Neil. À Allen Ginsberg, 30 décembre 1947, 561 A, 24e avenue, San Francisco. Cher Allen, la nouvelle année approche, et avec elle, une nouvelle période de ma vie va commencer. Je trime chaque jour sur mon journal. Et même si je fais mon maximum, j'ai des problèmes avec mes souvenirs d'enfance. Ce premier travail d'écriture est d'autant plus difficile que je m'y astreins tous les jours, pensées quotidiennes, ainsi qu'au roman sur ma vie, que je viens juste de commencer. J'espère te voir à l'automne, sinon je vais souffrir. Bonne nuit. Repris Dickens. Je t'aime. Neil. À Jack Kerouac, 7 janvier 1948, San Francisco. Cher Jack, il est absolument impossible de saisir et d'exprimer les choses dans leur intégralité, contrairement à ce que la plupart des gens, en particulier les critiques, voudraient nous faire croire. Beaucoup d'événements sont inexprimables, ils ont lieu dans une région de l'âme où aucun mot ne peut pénétrer. La compréhension passe par l'âme. C'est entré en matière pour dire que mon écriture n'a pas de style propre. C'est plutôt une exploration encore informulée de l'intime. Quelque chose veut sortir. Quelque chose de moi qui doit être dit. Peut-être que les mots ne sont pas ma voix. Je me suis tourné vers les autres pour répondre aux interrogations de mon âme, alors que je sais que c'est quelque chose qui s'acquiert lentement et encore uniquement en creusant en soi-même. Je suis pas sûr que les racines de l'impulsion d'écrire soient assez profondes en moi, assez importantes pour créer quelque chose sur le papier. Si, malgré tout, je considère l'écriture comme indispensable, comme c'est apparemment ton cas, alors je sais que je dois construire ma vie autour de cette nécessité. Même mes heures les plus quelconques, les plus triviales, doivent devenir l'expression de cette impulsion et en témoigner. J'ai toujours défendu le fait que, quand on écrit, on doit oublier toutes les règles et autres prétentions dans le genre, les grands mots, les affirmations condescendantes et autres phrases du même tonneau avec lesquelles on se gargarise comme un bon vin avant de les noter, qu'elles soient justes ou non, simplement parce qu'elles sonnent bien. Il faut, je crois, écrire quasiment comme si on était le premier au monde à dire humblement et sincèrement ce qu'on a vu et vécu. Aimer et perdu, nos pensées du moment et nos chagrins et nos désirs. Et tout ça en évitant soigneusement les lieux communs, l'utilisation vulgaire de mots rebattus et trucs du même acabit. Il faut être à la fois Wolf et Flaubert. Et Dickens. L'art ne vaut que s'il procède d'une nécessité. Cette origine garantit sa valeur. Il n'y en a pas d'autre. Et si j'en éprouve la nécessité, mais n'en ai pas le talent, dois-je écrire pour le compenser ? Je suis bouffé par l'urticaire. Ça a commencé il y a quelques semaines. Ma gorge enfle, j'ai du mal à respirer, et des plaques, toutes gonflées, apparaissent sur mes cuisses et mes fesses. Au début, c'est juste des éruptions, comme des boutons, et au bout de 30 minutes, ça fait des plaques blanches énormes, larges comme un œuf sur le plat. Ensuite, la rougeur disparaît et ça dégonfle, mais la taille augmente et en quelques heures, ça s'étend à tout le corps. Je suis convaincu que cette allergie est directement liée à la tension insupportable que me causent Louane et Caroline. Le docteur est du même avis. Un changement s'impose, hein ? Neil. Allen Ginsberg, mai 1948, 160 Alpine Terrace, San Francisco, Californie. Très cher Allen, toi et moi sommes plus éloignés que jamais. Je ne me souviens de toi qu'en faisant un effort. Les 6 derniers mois ont laissé une empreinte indélébile en moi et ont donné une toute autre couleur aux choses. En fait, pour être présomptueux, je doute sincèrement que tu puisses imaginer ma tristesse. Alors, laissons tomber. Rien de ce que je fais n'est grand. Je n'ai jamais rien fait de grand. Il n'y a aucune grandeur en moi. J'ai même pas idée de ce qu'est la grandeur. Je suis un simple d'esprit, un gamin, une sorte de débile insipide d'adolescent maladroit. Ce que j'essaie de te dire, c'est si tu veux partager ma vie intellectuelle, savoir ce qui m'occupe l'esprit ou ce par quoi je me sens concerné, échanger là-dessus, tu perds ton temps et ton amour. Depuis décembre, je ne m'intéresse à rien. Depuis mon retour, je suis là pour une seule chose. Les nanas et avant tout les putes. Alors, est-ce qu'on peut parler putes ensemble ? Est-ce que tu sens ton ventre se contracter quand tu croises une femme ? Est-ce que tu peux voir chaque particule infinitésimale de son âme en un seul coup d'œil ? Un coup d'œil grossier et salace ? Ah, et puis merde. Tu me dis dans ta lettre, j'ai l'image de la vaste vision réaliste dont tu parlais et l'idée de tes possibilités me remplit de joie. Tu approches de la réalisation, de l'expression de soi. Mais foutaise, mon cher Allen, foutaise ! Quelle possibilité ! Je suis un malade. Pourquoi tu parles de réalisation, d'expression ? Un mois que j'écris sérieusement. Qu'est-ce qui en est sorti ? Une horrible merde méprisable, c'est de pire en pire chaque jour. Me dis pas que ça prend des années. Si je ne peux pas écrire une bonne phrase après un mois d'effort constant, alors de toute évidence, je ne peux rien réaliser, ni rien exprimer. Après, tu me fais 3 pages de réflexion très convaincantes sur l'art est réel. Mais pourquoi faire ? J'ai jamais contesté ça, à part les évidences sur l'art stérile. Tu vois, je suis tellement dégénéré que je ne peux même pas discuter des meilleures parties de ton exposé sur l'art. Kerouac, Cézanne, Shakespeare, ça me dépasse. Pour ce que je comprends, là, ton cafard est bien subtil. Hein. Tout ce que je vois, c'est le marasme perpétuel dans lequel je vis. N'importe quel psychologue amateur qui lirait ça dirait de façon catégorique « Ce jeune homme, Allen, vous écrit une lettre manifestement défensive, probablement à cause d'un fort sentiment de culpabilité envers vous. Sa réaction peut être attribuée à cette culpabilité. » Note dans cette attitude défensive, si t'en es capable, la nécessité d'une nouvelle psychologie. Je sais qu'il y a une issue possible pour moi. La musique. La musique m'apporte beaucoup. J'aime la musique. Je vis la musique. J'oublie vraiment toutes les conneries de l'existence seulement quand je me plonge dans la musique. Je dois tout apprendre de la musique. On s'en déconne, Allen. Je comprends les choses bien mieux que toi, hein ? Et c'est pas une compréhension idiote de victime ou une autre niaiserie dans le genre. Je hais les mots. Ils sont excessifs. Arrêtons de nous écrire. Je suis pas le Neil Cassidy que t'as connu. Je ne suis plus Neil Cassidy. Je ressemble beaucoup plus à Baudelaire. Neil Cassidy. Jack Kerouac, 16 juin 48, matin, Pixley, Californie. Cher Jack, mon grand ami. Je commence sans préambule en déclarant simplement « Je suis quasi devenu fou ces 6 derniers mois. Alors je t'en prie, essaie de comprendre. Même si tu ignores la cause de tout ça et sois cool. » Et indulgent, et pardonne-moi. Tes lettres sont restées sans réponse dans ma valise. À chaque fois que je commençais à t'écrire, j'arrêtais parce que ça tournait au sentimentalisme ridicule avec appel à ta compassion, à ton aide, à ta compréhension et à ton pardon. ou parce qu'en décrivant mes tourments, je perdais la boule, ou je devenais infect, complètement cinglé. J'ai essayé plusieurs fois de te raconter ma souffrance et ma vision tordue de la chair et mes dernières et terrifiantes conneries. Et j'ai échoué à chaque fois, donc je laisse tomber. À la place, voilà une suite de notes sans importance qui sont étrangement très loin de moi. Presque comme si je parlais de quelqu'un d'autre. J'y vais. Janvier. Acheter un coupé Packard Club 1941. Bleu, lumière, chauffage, overdrive, housse sur les sièges, 6 cylindres, monte à 130 à l'heure, payé 1 195 $, sans d'acompte, 75 par mois, tracé 22 000 bornes en 85 jours. Les rendus. Janvier. Quitter mon boulot chez McKells. J'étais complètement défoncé. Tellement saturé de chagrin que j'aurais pris l'intersection d'un boulevard bondé, à fond, en grillant le stop, avec l'espoir qu'on me rentre dedans. Février 8. Mon anniversaire. Essayer à nouveau de me tuer. Voler un calibre 38, les coller plusieurs fois sur ma tempe, essayer pendant 14 heures, suer, nausée, peur, pouvais pas appuyer sur la gâchette. Me suis foutu dans un fossé et me suis allongé à l'arrière de la bagnole. Essayer de pleurer, pas pu, sordide. Mars. Rouler jusqu'à Denver. 4657 bornes en 33 heures sans dormir. Bloqué sur le Continental Divide pendant 7 heures par moins 13 degrés. Pas d'antigel dans le putain de radiateur. Pas de chaîne. Essayer de mourir gelé. Eu trop froid. Et ai arrêté un bus et me suis fait pousser. Mars. Retourner à Frisco en 36 heures. Via le Wyoming et l'Utah. Ramasser une fille, choper des morpions, les conduites de griller à San Francisco, les laisser à son hôtel, les revues 2 semaines plus tard et l'emmener, elle s'appelle Joy, à Sacramento, dans un bordel. Et elle y est encore, la salope. 20 mars. Vécu un truc dingue. Rencontrer un jeune noir, 25 ans, il se fait entretenir par une sugar mama de 30 ans. Elle dit qu'elle est folle de sa queue magnifique. Peut pas s'en passer, ils le font 3 fois de suite et toutes les heures, tous les jours. Rester là-bas à planer, plonger dans de la super musique. 30 mars. Retourner à Denver. Chagrin. Émis 37 heures. Divorcé de Louane. 31 mars. Retour. Un tas d'emmerdes avec la voiture. Rouler non-stop pendant 46 heures sans dormir. Eu un accident un peu avant Frisco, me suis endormi au volant, rien de grave heureusement. 1er avril, épouser Caroline, elle devient ma deuxième femme. 2 avril, commencer au chemin de fer, 5 jours, 5 nuits, trajet jusqu'à Santa Barbara et retour. 10 avril, rendu la voiture. Payé en tout $200. 17 avril. Fin des trajets de formation au chemin de fer. Pas payé. 27 avril. Aller à Watsonville. Espérer commencer à bosser. Non. 6 mai. Marre de Watsonville. Pas de boulot. Pas assez d'activité au chemin de fer. Décide de partir en mer. Connaît le chef de la division marine de Standard Oil Company. Le voit, il réussit à me caser sur un bateau. 8 mai. Suis désormais matelot à part entière. Papier et tout. 10 mai. Aller embarquer pour l'Arabie sur le Chevron. Un cargo. trouve une opportunité de dernière minute, au chemin de fer, décide de travailler sur les rails jusqu'à la fin de mon contrat en janvier 49. Ensuite, je prends la mer jusqu'en avril 49. Puis, je retourne au chemin de fer. 17 mai. Vais enfin travailler. Appelé pour aller à Bakersfield. Y suis allé. 19 mai. Je suis à Bakersfield. Premier boulot en 4 mois, à part 2 semaines comme vendeur de livres avec un mec délirant nommé Sinex, te raconterai plus tard. 20 mai au 6 juin. La routine quotidienne. 15h à Bakersfield. 8h sur les rails. 10h à Fresno. 14h sur les rails. 15h à Bakersfield. Rebelote. Et ainsi de suite. 7 juin. Appelé pour aller à Pixley, Californie, pour bosser sur un convoi de pommes de terre. Bon boulot. Y suis allé. 8 au 16 juin. La routine quotidienne. Debout à 8h30. Bosse de 9 à 19. Dors dans un wagon de service. Mange au café d'en face. Lis. Écris. Pense. Et fume. Voilà, Jack. Un résumé rapide et incomplet des 6 derniers mois qui évite toute référence à la cause de ma névrose. Je te le dis en 2 mots. C'est une nana. Pas Caroline ni Suzy, tu vois le truc. Que tu saches ou non à quel point je suis paumé, tu es mon frère de sang. Et chaque fois que j'y pense, je me sens mieux. Bref, ma chère, ma douce, ma super petite femme, ma parfaite Caroline, elle a changé, elle est super. Et maintenant, à 7 mois, elle me donnera mon 5e enfant fin août. Cet enfant, à la différence des 3 autres garçons et de je sais pas quoi, j'y tiendrai, je l'élèverai et j'en serai fier. Inutile de te dire, cher Jack, si mon bébé est un garçon, je l'appellerai comme toi, et comme Allen. Si c'est une fille, je pourrais pas, vu qu'un prénom comme Jacqueline ou un truc dans le genre n'est pas vraiment envisageable. Ton idée de ranch est magnifique. Si tu es sérieux, et que tu cherches un gars qui va se faire 350 à 400 dollars par mois sur les chemins de fer chaque année, de mai à janvier, avec sa femme et son enfant et son expérience du travail dans un ranch, et son affection pour toi et ta mère, eh bien, je suis là. Sérieux. Jack, réfléchis-y. C'est vraiment facile à réaliser. Je connais ta mère. Tu dois la faire venir. Et Caroline s'entendrait à merveille avec elle. Et construire un ranch, un super grand ranch ensemble, serait mieux que de louer des épioles à 50 dollars par mois jusqu'à la fin de nos jours. On devrait s'y mettre tout de suite. On reporte tout le temps. Fais-le maintenant. Ramène tes potes. On aura 7 ou 8 chambres. Ta mère, Dieu la protège, et Caroline, Dieu la protège, sont exactement pareilles. Caroline est une bonne travailleuse, une décoratrice d'intérieur. Je suis sûr que c'est facile. Je trouverai le fric. Une maison. D'où partir et où revenir, où vieillir, où créer un super endroit. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Réfléchis-y, s'il te plaît. Neil. C'était Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Choisie et proposée par Julien Doumenc. Lue par Quentin Bayot et Pauline Ziadé. Guitare, Pierre Téréjol. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe technique, Éric Boisset et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux.